Hola para todos. Welcome to your weekly show, a trip con la Société des Ambianceurs, en la página Música Afro-Caribe Original. Soy Petit Bizet. Bienvenida, bienvenido, bienvenue à tous. Welcome. Nous allons nous faire plaisir pour une petite heure de rumba congolaise. Hola Darwin. Si, Carola, hermano, hey. Much love. Appreciate the love, bro. Marta, bienvenida. Maria José, bienvenida. Let's go, baby. Vamos. Orchestre et rebelle. Le titulo es Caterina. En espagnol, Caterina. Caterina, major à Zonguio Zonga. Caterina. Caterina, Titi à Zonguio Zonga. Caterina. Kashita zongio zonga, Katerina. Katerina, beto zongio zonga, Katerina. Katerina, moro zongio zonga, Katerina. moko oya kolo baloba ipa iya bato eko nyokolo ngai mawa mingi J'ai rencontré l'amour à Nomba. makele. oh Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Seigneur. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. Gracias, Ruben. À présent, tout ce que tu veux faire, que n'importe de ta conscience. Bienvenue au Palado de Santa Marina, musique africaine originale. Utilisé par la société des ambianceurs. Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu me fais ne dépend que de ta conscience. Oh, ah. Thank you. Africa, Africa, Africa, Africa. Pesana maboko, Africa, Africa, Africa, Africa. Pesana maboko, Africa, Africa. Mama ya Africa, Africa, Africa. Mambo ebo pesana maboko, pesana maboko, Africa, Africa. Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, thank you. Pour chercher de ma peau. Pour chercher de ma peau. mato. La la la la la la. Chercheur de ma peau, pour chercheur de ma peau, pour chercheur de ma peau. Yeah.

Kata. Hero, hero, hero, hero. Rapsika. La guitarra. Bienvenido a Jesús. Jesús Palmieri. Socorro, Mandolina, mandolina, con la mesa. nanga nsima sandi leluka nanga lenga liboso sandi leluka Cali. mama o na la linda mama o mama o ulele kimengi na mokili na tuna na nani e ah na konse na nzambe na likolo na biso mama ende mozali si ala kolela mingi na vinanga e mama mama o Mama ma passa e con salisa batte e le chi malamo cotongo batto mamma e salini sumo lo fumo lo conini gege colora la bio ai mamma ah. Ai la cole la mini la vina Oh, yeah. banutuka tonga banda komboka mboka kasi soki butu ekomi mpongisi na mbeto moko embongo eza lokola mwana ya imbwa ami na ntango alingi okobenga na yete na kude zabu soki akomi kobanga kokima yosef Diva, boy bisaka bango, trop parler peut tuer. Bayoka Suzy, la pointure au-dessus. Mouma, mandolina. Tati. Na papa na mama bakoli. Namuma ya loso mpena mafuta ya ngashi Basusu bakuta bambongo ya famili soba moni mambo Olimu nangana kote kate mpona mbongo Nazwa tuna zange kipaka temo kilisisa Mbongweza nyoso tena la vie ba mama Mbongweza sweka ya mokilite ba papa L'argent ça va, ça vient L'argent c'est rien, ça c'est vrai ça Je suis innocente. quitté. Je suis restée dans l'angoisse. Et pourtant, je suis innocente. Na yo azali awa na motema ebongi na nga désombre koleka ngai na poto se mpona mosala e ngo bebe na nga susi na malilie Thank you.

bapesaka chance na mokili kaka mbala moko eloko na tosenga kaka batela biso lokola toza mitema pembe Gracias para todos. Merci à tous. See you in, next week for the same show on the same page. Musique Afro-Caribe original. Toujours avec votre serviteur de toujours, Petit Bizet. Prenez soin de vous.